Les trois hommes aussi, rapprochés par un instinct de conservateur à l'aspect de Comité, parlaient argent d'un certain ton dédaigneux pour les pauvres. Le comte Hubert disait les dégâts que lui avaient fait subir les Prussiens, les pertes qui résulteraient du bétail volé et des récoltes perdues, avec une assurance de grand seigneur 10 fois millionnaire que ces ravages gêneraient à peine une année. Monsieur Carré Lamadon, fort éprouvé dans l'industrie cotonnière, avait eu soin d'envoyer 600 000 francs en Angleterre, une poire pour la soif qu'il se ménageait à toute occasion. Quant à l'oiseau, il s'était arrangé pour vendre à l'intendance française tous les vins communs qui lui restaient en cave, de sorte que l'État lui devait une somme formidable qu'il comptait bien toucher au Havre. Et tous les trois se jetaient des coups d'œil rapides et amicaux. Bien que de conditions différentes, ils se sentaient frères par l'argent, de la grande franc-maçonnerie de ceux qui possèdent, qui font sonner de l'or en mettant leurs mains dans la poche de leur culotte. La voiture allait si lentement qu'à 6 heures du matin, on n'avait pas fait 4 lieues. Les hommes descendirent 3 fois pour monter des côtes à pied. On commença à s'inquiéter, car on devait déjeuner à Tote et l'on désespérait maintenant d'y parvenir avant la nuit. Chacun guettait pour apercevoir un cabaret sur la route, quand la diligence sombra dans un amoncellement de neige, et il fallut 2 heures pour la dégager. L'appétit grandissait, troublait les esprits, et aucune gargote, aucun marchand de vin ne se montrait, l'approche des Prussiens et le passage des troupes françaises affamées ayant effrayé toutes les industries. Les messieurs coururent aux provisions dans les fermes au bord du chemin, mais ils n'y trouvèrent même pas de pain, car le paysan, défiant, cachait ses réserves dans la crainte d'être pillé par les soldats qui, n'ayant rien à se mettre sous la dent, prenaient par la force ce qu'ils découvraient. Vers 1 heure de l'après-midi, l'oiseau annonça que décidément il se sentait un rude creux dans l'estomac. Tout le monde souffrait comme lui depuis longtemps, et le violent besoin de manger, augmentant toujours, avait tué les conversations. De temps en temps, quelqu'un bâillait, un autre presque aussitôt limité, et chacun, à leur tour, suivant son caractère, son savoir-vivre et sa position sociale, ouvrait la bouche avec fracas ou modestement, en portant vite sa main devant le trou béant d'où sortait une vapeur. Boule de Suif, à plusieurs reprises, se pencha comme si elle cherchait quelque chose sous ses jupons. Elle hésitait une seconde, regardait ses voisins, puis se redressait tranquillement. Les figures étaient pâles et crispées. L'oiseau affirma qu'il paierait 1 000 francs à Jean Bonneau. Sa femme fit un geste comme pour protester, puis elle se calma. Elle souffrait toujours en entendant parler d'argent gaspillé et ne comprenait même pas les plaisanteries sur ce sujet. « Le fait est que je ne me sens pas bien, » dit le comte. « Comment n'ai-je pas songé à porter des provisions ?» Chacun se faisait le même reproche. Cependant, Comité avait une gourde pleine de rhum. Il en offrit. On refusa froidement. L'oiseau seul en accepta 2 gouttes, et, lorsqu'il rendit la gourde, il remercia. « C'est bon tout de même, ça réchauffe, et ça trompe l'appétit. » L'alcool le mit en belle humeur, et il proposa de faire, comme sur le petit navire de la chanson, de manger le plus gras des voyageurs. Cette allusion indirecte à Boule de Suif choqua les gens bien élevés. On ne répondit pas. Comité seul eut un sourire. Les 2 bonnes sœurs avaient cessé de marmotter leur rosaire, et, les mains enfoncées dans leurs grandes poches, elles se tenaient immobiles, baissant obstinément les yeux, offrant sans doute au ciel la souffrance qui leur envoyait. Enfin, à 3 heures, comme on se trouvait au milieu d'une plaine interminable, sans un seul village en vue, Boule de Suif, se baissant vivement, retira de sous la banquette un large panier couvert d'une serviette blanche.